Le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée a publié le 9 septembre une déclaration pour féliciter la réussite coréenne à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire.